sur Canal Sud. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Thank you. C'est donc le 23 mai 2014 et c'est Nuisance. We'll be right back. of our ways have all gone away, and worship, devil worship. I worship the devil. The devil worships me, in fact. The devil worships me. The devil is full of shit, as is God. Full of it. And we don't care anymore. We're not ever gonna care ever again for our own little stupid ways. It's all gone away already. Stuff. scream for all I care. I don't give a fuck anymore. I mean, where's the purpose in all this, you know? Bang. Bang. That's the whole thing about it, ain't it? The whole thing about it. I don't ever get to stop. It can go on forever. Devil worship and satanic glorious wannabe of this thoughtful thinking well. Talking about godlike form, you know. Thank you. bal, c'est maintenant. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens du 23 mai 2014. Il est 22h25. Bienvenue à Toulouse, France. Pour vous, opus 24 92 K 26 PW C 64 V 1 12 page 32 A 84, passons par 22 2. Johann Sebastian Bach. Vous écoutez Canal Sud, la radio de la grande et belle musique. La musique qui vaut le coup d'être écoutée, pas la musique de merde. La bonne musique. Canal Sud, la radio de la bonne musique. Passons à Vivaldi maintenant, l'opus 42 24 BC 12-ALINEA B 124 P 4 4 K 158 B 172 C 13 D 24 W M G 4. Comme on peut le constater,

France parce qu'on est des gros racistes, de fascistes, de chauvinistes en France. On s'en cule les uns d'autres. It seems I pain to look, so I stare not. I see, so I pass past the present, not to rupture, but to forgotten, lay down, see future sufferings. I lay down my weaponry to sleep, and I've been sleeping so goddamn long. It seems like it is awake to itself, which is why. Plus soumis à la règle si droite de la clarté, ce n'est rien ou plutôt ici. Je ne rentre pas dans une monopolie, tu m'amènes ici, une polie. Je ne discute pas des choses, des êtres, mais d'un autre pays. Je forme la séquence qui initialise l'avenir de ma théorie du lieu, plutôt réglé, plutôt régi par cette volonté si pénible. C'est le seul motif qui ne se serait pas verbalisé l'incompréhensible que le faut laisser en suspens l'observation dans le but de respirer encore et encore. Car I'm gasping for air, which is a mixture of gases. I got this irritability. The goal is set, and the first step taken. I grasp the road, tap the finality. Force is interruption of sound. I worship sound in its cruel form. Je me vois mourir en l'avenir, bien balancer ça. Je suis pour si je suis. Je me tape le cul, je me rapporter à l'air. Genre, baisse, allez. Je connais, vite de Dieu, vois. Ainsi, c'est. Comme ça, que l'on en est, venu attirer les vers d'un épouvri par les cancers et obtenir un homme malicieux. Non, quelle farceur. Mais pas pour tout le monde temporel. C'est ce qui permet d'écrire et de dire à l'écrit de faire battre par une grosse verre mort. Genre, go, and so it was. I beat the box to a powder like ground down for the ship, for this flavor. favorite asshole. Often, imaginative time, space is in the fruit of becoming light. The greatest thing on this forsaken planet is my own death brings me back to a tender age when I never got pissed off at anybody but myself. Which doesn't mean much. I'll grant you this thing. If you don't want to be brave like, then let me at least puke in this bucket-like sort of fish. Shaped hungover, watery state of being alive. Otherwise, everything goes to pot. Is that he gone away? But like faces there. Comme une survolève, champion de mer, petit que je suis. devenait allergique sur le de temps en temps. Le parfum est comme la senteur d'une rose qui en été. Le parfum est un tout petit. Mets-moi à la place de l'hirondelle qui flotte sur les trous de mer. Le parfum a immobilisé le cas de la mer. Regarde ce sommet. www.canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète, le téléphone est le 05 61 53 36 95. Il est à peu près 23h et manquant de 7 minutes. L'émission d'usance est bientôt arrivée à son terme. Je vous laisse avec un opus de Deus, Amadeus, Mozart, Wolfgang. L'opus numéro 12124A56 12C-alinéa B2645 AKW25213.

Nuisance vous offre tous les vendredis soirs de 21h à 23h. Nuisance vous offre de la grande et belle musique. De la grande et belle musique. L'éternité sans en être, car pratiquement partie de là-bas et de loin, car la famille est morte. Elle est morte de phallus crotté, de chiottes, cuvettes, à loin, de près et de part et d'autres, de loin, car enfin la merde couverte de pus vert. Le mucus rectal est fin, dur, odorifère et bon à lécher du cul, et ainsi passe le temps en jeu et en passé et en présent. I see through this shit like a bird flowing through the shit that's on its wings, and I pain in the head. I should be happier than this on the way down to the pastime glory. The box I see is on the verge of cracking up, and it's on the side of a flowing, flowery kind of a glory thing, like a thistle on the lip of this pussy. Details of an old scripture. It stinks, I stink. Je vois la chose accumulée dans l'absolu de la chose ainsi née. Je suis la voix par. Je suis la voix qui semble accoucher d'un monstre de sympathie. Ainsi que la vie va à l'envers, un revers et un devis plus tard. Que je sois celui qui meurt de vite. Ainsi que la... Après l'opus 24 DI 1224 alinéa B 24 C 1224 C alinéa B 24 tiré alinéa 24 B 12, nous écoutons l'opus Chorus DI Del Mundo 1224 56 B 24 56 24 12 56 24 C K tiré alinéa B 56 24 12 24 12 C 56 24 12 alinéa B. Bonne écoute. I seem to forget everything I see. Each time I flow, I find it hard to sing. Well, in fact, I find it happier to see than to sing. Nous remarquons un thème transcendantal qui revient fréquemment dans l'œuvre du monsieur. On l'observe très clairement, ce thème transcendantal. Basement of my wondrous desires, but I like what I can feel. I'd rather be happy than sorry, so sorry. Butt-like face of an angel-like happiness, glory of sorts. Fullness of a box and a happy rose. des erreurs techniques. Positive vibration, yeah, positive vibration, yeah. Positive vibration, Rastaman Jaja. Thank you. les Rastaman et toutes les Rasta Girls, ce soir, spécial dédicace sur Canal Sud, Nuisance est là pour vous. Pour ces artistes, des grands créateurs et créatrices, grandes. Et la beauté, elle mérite. Ces créateurs, ces créatrices méritent la beauté, la gloire.

très bon breakbeat pour vous ce soir. Tcha-tcha pour vous ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, un tcha-tcha. Thank you.

été piraté par une émission à tendance brutiste. Désolé, nous continuons notre programmation classique dans quelques instants. La programmation classique de la radio classique sur Canal Sud Classique France Toulouse. Et nous reviendrons à la programmation habituelle. Nous allons résoudre le problème tout de suite. Nous ne trouvons pas la source du problème. Nous allons devoir chercher un peu plus longtemps. Bientôt, la solution du problème sera trouvée. Nous sommes presque. Ah mais non, non, non, on n'y est pas, non. C'est bientôt ? Non, en fait. Bon, c'est pour pas pour bientôt, c'est pour tout de suite, peut-être ? Non plus ? Allô, Robert, tu m'entends ? Robert ? Alors, c'est pour tout de suite ? C'est pour plus tard ? Plus tard, d'accord, ça marche. Monsieur. Quelle horreur! Bientôt à l'opus 42B26K5712 alinéa K27B à la ligne 12-24-56B24-12-C alinéa B24-12 de Johann Sebastian Bach. Non, pardon, de Antonio Vivaldi. Thank you. Ça y est, c'est fini, c'est Nuisance qui est fini, enfin, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, du 23 mai 2014, il est actuellement minuit moins 7 minutes, et je m'en vais, moi, Al, voilà, ciao. La sale race n'est pas prête pour le tombeau. Premier maxi. Mon étoile c'est un hall, j'ai pas plus 4 pétaves. La sale race n'est pas prête pour le tombeau. Marie Blackie aussi. Sans gloire ni trophée. La sale race n'est pas prête pour le tombeau.